Il faut que vous compreniez que la rue, c'était notre seule liberté. La seule évasion qu'on pouvait avoir. Ça, et la musique. Les seuls plaisirs pour ceux qui n'avaient rien et qui rêvaient de tout. Grige les chocs, le cœur en titane, tu dur à aimer. Tu connais rien, mais tu veux me conseiller. Char de Denis, ça je finis à LA. Waouh, j'alimente mon train de vie. Arrête tes soutis, tu veux des offres, mais t'as pas de quoi payer. Les pirates sont sortis quand la A1 est en bouteille. C'est petit à petit qu'on commence. On finit le que ça remplit de pesos. T'as sorti le pétard, je sors le mien. On sait comment ça va se finir. Tout seul dans la ville. À la recherche de l'aube, j'ai pas eu, j'ai besoin des grands rêves. J'ai peut-être laissé ma vie au prochain virage, à vouloir trouver le trésor comme un pirate. Mais si j'étais malade, je t'aurais allumé tes fils de pute. J'ai peut-être laissé ma vie au prochain virage, une overdose, c'est que forget, faut que je mette les voiles. Autour de moi, c'est tous des faits, je peux plus me les voir. Je vais peut-être laisser ma vie au prochain virage. Inconnu, ma mélodie devient virale. Les coins chics de Paname, je suis bien situé. Y'a des ogres d'art sur le mur. Si ça ramène d'oseille, je vais récidiver. Je partirai là-bas seulement si Dieu le veut. Baby, je sais que t'es bonne. Mais ta chatte tourne dans toute la vie. Mais ferme ta gueule. Baby, je sais que t'es bonne. Mais ta chatte tourne dans toute la vie. Encore Bobby au star. La sortie, c'est pour bientôt. Colle d'en bas de la tour pour mettre la cerise sur le gâteau. Vas-y, embarque-moi ça, on fait ça bien. Dans tous les cas, je fais de l'avant. On parle pas trop, on baisse la vite. Il a trop parlé, il en paye de sa vie. Je vais peut-être laisser ma vie au prochain virage. À vouloir trouver le trésor comme un pirate. Inconnu, ma mélodie devient virale. Peut-être laisser ma vie au prochain virage. Une overdose, c'est que forget. Faut que je mette les voiles. Autour de moi, c'est tous des faits. Je peux plus me les voir. J'ai peut-être laissé ma vie au prochain virage. Inconnu, ma mélodie devient virale. Je m'appelle Dylan. Et comme tu sais, au quartier, on m'appelle Landy. Aujourd'hui, je vais raconter mon histoire. Je crois que ça m'amuse, moi, quand elle m'appelle en pleurant, en me disant qu'elle sait plus quoi faire de droit.